17h41 dans les studios de la radio associative indépendante, le journal en français. Le journal avec Willy Sintaiheura. La mise en onde est assurée par Niki Inez. D'abord, le sommaire. Les médias sous sanction, dont la BBC et la Voix d'Amérique, ne sont demandés que d'amener des cahiers de charges et des demandes d'autorisation afin de mettre un corps sur le sol burundais. Vous l'entendrez dans cette édition. Sit-in des employés de la GTC ce mercredi devant le bureau de leur ancien employeur GTC. Motif réclamation d'arriérés, vous l'entendrez également. Vous en êtes habitué ce mercredi. La chronique sur les droits de la femme est au rendez-vous. Bienvenue. Bienvenue encore, débutons par cette brève de sécurité. Le veilleur d'un certain Kabayawaya, employé d'Omer Ndayishimiye, résident sur la colline Musongati de la commune Kiganda en province Muramvya, est mort dans la nuit de ce mercredi vers 1h dans une attaque par des bandits à main armée. Selon les sources policières, les autres veilleurs ont tenté d'intervenir, mais en vain. Ils ont plutôt pris le large et sont revenus après l'arrivée de la force de défense. Les malfaiteurs ne sont pas encore connus et de moins rangés vers Bururi. Toujours sécurité, un commerçant des habits œuvrant dans la commune Bururi, connu sous le nom de Charles Niomungere, qui a été porté disparu depuis la nuit de ce lundi, a été retrouvé l'après-midi de ce mardi agonisant tout près du cimetière au chef-lieu de la province Gitega. Selon les sources policières, les auteurs de cet enlèvement ne sont pas encore connus. Un motard soupçonné a été arrêté pour des raisons d'enquête depuis Bururi. Zeno Nzambiman. Charles Niomungere, connu sous le sobriquet de Mungere, a été retrouvé dans l'après-midi de ce mardi dans le boisement situé tout près du cimetière appelé Cimetière des Musulmans au quartier Chatanya 3 du chef-lieu de la province Gitega. Selon les sources policières à Gitega, la victime qui a été retrouvée à l'état de conscience aurait été étranglée. Les mêmes sources disent qu'il a été découvert par la population qui a vite alerté la police et l'administration communale de Gitega. Et il a été directement conduit à l'hôpital de Gitega, où il subit jusqu'à maintenant les soins médicaux. Charles Niomungere, un commerçant des habits appelé communément Ibishweka dans les différents marchés de la commune de Bururi, était porté disparu la nuit de ce lundi aux environs de 19h quand il rentrait au chef-lieu de la province de Bururi, en provenance du marché du chef-lieu de la zone Ebamba, en commune Bururi, selon les membres de sa famille. Les auteurs de cet enlèvement ne sont pas jusqu'ici connus, selon les sources policières à Bururi, mais un motard qui le transportait vers son domicile en provenance de son marché a été arrêté dans l'après-midi de ce mardi par la police du commissariat communal de Bururi pour réseau d'enquête, en attendant le rétablissement de la victime pour connaître la vérité sur ce cas. Depuis Bururi, Zeno Zabimana pour la RCF, Ponecha FM. Merci Zeno Nzambiman. De Bururi vers la capitale économique Bujumbura, de la sécurité à la justice, le président de la République du Burundi déplore le fait qu'il s'observe des Burundais qui commettent des forfaits à cause de l'absence de justice. Évariste Ndayishimiye, dans une réunion avec le corps magistral au Burundi, dit qu'il va travailler avec la communauté internationale pour faire face aux violations des droits humains qui s'observent encore au Burundi. Évariste Ndayishimiye, traduit en français par Raymond Diman. Ce qui se pose justice sont affondés au Burundi. Par exemple, ce qui tue pour se venger, est-ce qu'il répondra aux ses habits? Ou celui qui a tué à cause de l'absence de la justice? Qui va répondre devant Dieu? Qui ira en enfer? Allez lire la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU. Dans la préambule, c'est écrit: considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit, pour que l'homme ne soit pas contraint à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Je veux vous dire, ils vont dire que le Burundi ne respecte pas les droits humains. Je pense qu'ils constatent que le chef claire et dénonçante. Vous pensez interpeller la communauté internationale? Nous allons travailler ensemble pour mettre la main à ce qui faut se bavir. L'essentiel, c'est qu'ils voient que je ne soutienne pas ça. Si la population burundaise décide de se faire propre justice, quelle serait votre place? Plus de 11 millions ne peuvent pas être condamnés par un groupe de personnes qui n'atteint même pas 100 000. Parfois, ils se trompent et disent que quand les magistrats statuent, c'est sans recours. Il faut lire la constitution burundaise. Les procès sont délibérés au nom du gouvernement. Ok, et après, quand je m'enlève, les magistrats deviennent la population. Aujourd'hui, ils vous donnent tout l'espoir. Mais quand vous refusez, ils vont prendre les choses à leur propre main. C'est honteux que tout le monde. Et de l'autre côté, les anciens employés de ZTC, compagnie faisant la sous-traitance dans la construction du building qui abritera la Banque de la République du Burundi, BRB, ont observé un sit-in devant les bureaux de son ancien employeur le matin de son mercredi. Ils réclament les arriérés de leur salaire variant entre 278 000 et 900 000 francs burundais. Le chargé des ressources humaines tranquillise et indique qu'ils seront régularisés avant la fin de ce mois d'août. Plus sur ce point avec Egide Ndayisenga. Ce sont les anciens employés de Generation Trading Company, GTC en sigle. Ils disent que les contrats, les liens avec GTC ont été interrompus depuis le 31 juillet 2021. Ils réclament les impayés d'une année allant jusqu'à 2 ans, c'est-à-dire les arriérés variant entre 278 000 et 900 000 francs bout. À partir du 31 juillet 2021, au jour de cessation de nos contrats, il était prévu que tous les irrégularités seront payer ce jour de cessation, mais jusqu'à maintenant, pas encore. Ils disent qu'ils venaient souvent au bureau de GTC, mais qu'ils trouvaient le bureau fermé et que c'est aujourd'hui qu'ils y ont trouvé un chargé des ressources humaines. Selon ces anciens employés de GTC, leurs familles subissent déjà les conséquences. Selon Salvatore Bimenyimana, chargé des ressources humaines à la Generation Trading Company, GTC a adressé la liste de ses anciens employés à régulariser à Amma Construction, qui l'a accordé cette sous-traitance le 20 août 2021. Et tranquillise que ses employés auront leurs arriérés le 31 août 2021. C'est avec une grande surprise de trouver un... et une masse d'ouvriers devant notre direction, parce que ils avaient déjà été informés que les réclamations seront disponibles à partir du 31 août 2021. Donc, je ne comprends pas ce comportement qu'ils affichent pour le moment. Salvatore Bimenyimana indique qu'au total de 160 anciens employés de GTC seront régularisés d'ici mardi de la semaine prochaine, dont ces 22 employés qui ont quitté le poste de travail le 31 juillet 2021. Merci Edjide Ndayisenga. Et communication, le CNC demande aux médias sous sanction dont la BBC et la Voix d'Amérique d'amener les cahiers de charges et les demandes d'autorisation afin de mettre encore sur le sol burundais. Précision de Laura Kaganda, président ad intérim de ce Conseil national de communication ce mercredi. C'était dans une conférence de presse après leur session ordinaire. Laura Kaganda. Jusqu'à l'heure actuelle, côté British Broadcasting Corporation, BBC, nous sommes en contact avec la représentante attitrée de cette radio qui se trouve en Afrique de l'Ouest. On échange presque au jour le jour des informations. La dernière information concernait une demande de la part de cette représentante du contenu du cahier des charges. Nous avons déjà envoyé le document. On est en train d'échanger avec les partenaires, ceux qui travaillent avec cette représentante, et une fois que la lettre de demande d'autorisation aura été déposée au secrétariat, ils vont venir et nous n'allons pas prendre beaucoup de temps à feuilleter le cahier des charges. Nous connaissons déjà le contenu, ils auront déjà mémorisé ou maîtrisé le contenu. Nous allons seulement passer à de petits échanges pour enfin apposer des signatures sur le document. Et après, je crois qu'ils iront à l'agence de régulation et de contrôle des télécommunications pour demander des fréquences qui leur permettront de directement démarrer avec les émissions. Deux, écouter la VOA, la voix de l'Amérique. Là aussi, nous sommes en bon terme, nous sommes dans une bonne voie avec la représentante africaine, mais qui se trouve sur le territoire national. Nous lui avons donné un devoir. Il y a des questions dont les réponses doivent être fournies par cette représentante africaine. Elle va les poser à ses patrons. Nous nous attendons alors la réponse pour que nous puissions encore une fois avancer. Mais nous constatons en général que les entretiens que nous faisons vont bon train. S'ils nous approchent, nous allons faire le mieux de nous-mêmes pour prendre peu de temps. Parce que même dans une réunion tenue en février de cette année, le président de la séance a précisé que les questions devraient être vidées le plus rapidement possible. Et nous n'allons pas attendre une semaine ou deux, pas même trois jours, pour donner une réponse conséquente à la demande. Là, il n'y a pas d'inquiétude de son côté, ne vous en faites pas. Et agriculture à présent et direction Gitega, les semences de pommes de terre et de maïs et de haricots destinées à la saison 1 qui va bientôt débuter sont disponibles, affirmation de l'Institut de sciences agronomiques du Burundi, ISABU, dans une réunion organisée par l'ISABU et le ministère en charge de l'agriculture à Gitega, l'endroit des multiplicateurs de semences et vendant dans tout le pays. L'ISABU appelle toutefois les multiplicateurs de semences à continuer le travail car la nécessité des semences sélectionnées est de toujours. À Gitega, ce sont des informations que nous devons à notre correspondant Fiacre Ndikumana. Bonne gouvernance, renforcer les institutions gouvernementales en déléguant des spécialistes qui vont apporter leurs compétences. Et parmi les facteurs qui amèneront le développement au Burundi, cela a été évoqué par le directeur de l'ONG locale Parsem lors d'un exposé fait pendant la célébration de 20 ans de l'université du lac Tanganyika mardi. Faustin Ndikuman a fait savoir qu'il est nécessaire de mettre en exécution quelques préalables pour le décollage économique au Burundi. Saif Iradukunda. Faustin Ndikuman, qui est aussi spécialiste en économie, rappelle que le Burundi fait partie des pays les plus pauvres au monde et invite aux Burundais de tirer leçon aux pays les plus avancés. Comme exemple, il cite le Singapour, dont sa superficie constitue seulement 3 communes du Burundi, mais détient un PIB de plus de 50 fois supérieure comparé au Burundi. D'abord, au Singapour, c'est un tout petit pays. Sa dimension égale 3 communes du Burundi. Imaginez alors un petit pays avec une dimension de 3 communes du Burundi, mais qui produit plus de 50 fois, 60 fois même plus au niveau du PIB. Ça devait nous donner des leçons. C'est un pays surpeuplé, 7400 habitants par kilomètre carré, alors que nous avons 400 habitants par kilomètre carré. Donc, c'est une leçon. Le problème n'est pas le nombre d'habitants, le problème ce n'est pas la petitesse du territoire. Il indique quelques préalables qui peuvent apporter du changement. Alors, j'ai démontré d'abord ce que, au niveau du préalable, il faut assurer la cohésion nationale. Deuxièmement, j'ai dit la prise de conscience des potentialités dont dispose le pays pour avoir des meilleurs choix stratégiques du développement. Et j'ai parlé aussi du renforcement institutionnel, la lutte contre la corruption, pour avoir des institutions solides et impartiales, encore une fois, la police, la justice et l'administration centrale. En dehors de ça, il est difficile de parler de développement si ces institutions ne jouent pas la neutralité pour servir l'intérêt général. Il souligne que le recrutement des spécialistes dans les institutions instables est nécessaire. Il faut mettre chaque personne dans la place qu'il faut, selon ses capacités. Mais si on continue à nommer avec des considérations subjectives, et vous êtes un grand militant, mais alors que vous ne possédez rien comme compétence, c'est le pays qui va directement vers la perdition totale. Parmi les facteurs qui contribuent plus au développement, c'est la recherche scientifique, non la politique. Il dit que les autorités administratives devraient distinguer les compétences des uns et des autres en guise du développement du Burundi. Chronique droit de la femme sur Bonécha FM. Comme promis, la chronique sur le droit de la femme au rendez-vous. Dans la chronique d'aujourd'hui, nous vous parlons d'une femme qui a 4 enfants qui vit grâce au commerce des avocats et des amarantes. Cette femme habite à Gahae, zone Rubirizi, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Yolande Ndayishimiye signale qu'elle a toujours besoin de soutien afin de se développer davantage. Ephraim Chiza. Yolande Ndayishimiye est une femme ayant 4 enfants, habitant à Gahahe, zone Rubiris, commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, qui vit grâce au commerce des avocats et des amarantes. Malgré le faible capital qu'elle a, cette femme affirme qu'elle n'a pas voulu que ses enfants errent dans le riz à la recherche de quoi mettre sous la dent et s'est donné à faire le commerce afin d'aider sa famille. Je vends les amarantes, les bananes aussi, si je parviens à les trouver, ainsi que des avocats mûrs. Vraiment, ici, il y a des clients, mais nous avons le problème de capital financier car nous sommes pauvres. Nous venons ici pour chercher quoi nourrir nos enfants, pour aider nos maris à nous occuper des foyers. Cette femme et mère des enfants fait savoir que les défis ne manquent pas dans ses activités quotidiennes et affirme qu'elle se bat bec et ongles pour ne pas se décourager. Des fois, nous travaillons à perte et ça arrive qu'on arrête un peu pour se chercher du capital car nous vivons dans une misère. Ndayishimiye invite toute personne intéressée à soutenir les femmes pour trouver des capitaux suffisants pour que leurs rêves soit réalisé. Il faut qu'on nous soutienne pour que nous puissions nous développer. Nous avons des projets, mais le moyen nous manque. La situation se présente ainsi au moment où il se remarque encore des femmes qui ne travaillent pas, croyant que le développement de leur foyer va dépendre seulement des revenus de leur mari. Merci Ephraim Chiza. Et à 1:18, point final à ce journal, la grande édition de la soirée et de ce 25 août 2021. Merci à tout un chacun pour sa collaboration. Merci à Niki Ineza qui était de l'autre côté vitré. Le journal vous a été présenté par Willy Sindayebura. Bonne suite de programme.